Le matin, Mademoiselle Chuin alla trouver Nantas. « Qu'avez-vous appris ? » demanda-t-il en pâlissant. Mais elle ne précisa rien d'abord. Madame avait pour sûr une liaison. Même, elle donnait des rendez-vous. « Au fait !» répétait-il, furieux d'impatience. Enfin, elle nomma Monsieur Desfondettes. « Ce soir, il sera dans la chambre de madame. »« Très bien, merci !» balbutia Nantas. Il la congédia du geste, il avait peur de défaillir devant elle. Ce brusque renvoi l'étonnait et l'enchantait, car elle s'était attendue à un long interrogatoire, et elle avait même préparé sa réponse, pour ne pas s'embrouiller. Elle fit une révérence, elle se retira, en prenant une figure dolente. Nantas s'était levé. Dès qu'il fut seul, il parla tout haut. Ce soir, dans sa chambre, il portait les mains à son crâne, comme s'il l'avait entendu craquer. Ce rendez-vous, donné au domicile conjugal, lui semblait monstrueux d'impudence. Il ne pouvait se laisser outrager ainsi. Ses poings de lutteur se serraient. Une rage le faisait rêver d'assassinat. Pourtant, il avait à finir un travail. Trois fois, il se rassit devant son bureau, et trois fois, un soulèvement de tout son corps le remit debout. Tandis que derrière lui, quelque chose le poussait, un besoin de monter sur le champ chez sa femme pour la traiter de catin. Enfin, il se vainquit. Il se remit à la besogne, en jurant qu'il les étranglerait le soir. Ce fut la plus grande victoire qu'il remporta jamais sur lui-même. L'après-midi, Nantas alla soumettre à l'empereur le projet définitif du budget. Celui-ci, lui ayant fait quelques objections, il les discuta avec une lucidité parfaite. Mais il lui fallut promettre de modifier toute une partie de son travail. Le projet devait être déposé le lendemain. « Sire, je passerai la nuit, » dit-il. Et en revenant, il pensait « Je les tuerai à minuit et j'irai ensuite jusqu'au jour pour terminer ce travail. »